essayer de faire ça, hein. De reprendre un morceau. Ça, en fait, je sais, pour l'avoir essayé plein de fois en workshop, ça ne marche jamais, en fait. Mais au moins, ça fait réfléchir à la solution qu'on avait envie de refaire, quoi. Enfin, ça pourrait être intéressant de refaire. Oui, bah, c'est comme ça que naissent des groupes, souvent. Enfin, on fait un truc, ah, c'est super, puis après, on met 2 ans à retrouver. Non, c'est compliqué parce que là, par exemple, il n'y avait pas le silence qu'il y avait dans la fin du sud avant. On a retrouvé quand même un peu ce débit un peu comme ça, en un peu moins tendu, donc du coup c'était moins bien. Parce que l'idée c'était que ça soit plus rare, mais presque plus tendu. Là, ça a été aussi souvent, mais moins tendu, on va dire. C'est que souvent on confond rare et détendu. Bon, mais c'est aussi la situation de reprise qui est compliquée, de refaire les choses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire du coup? Le bruit de fond aussi, il aide pas du tout. Il est tellement moche qu'on a envie de le couvrir. Parce que le silence n'a pas de... Rien d'autre ? Non, mais c'est vrai. Ouais. J'avoue que c'était avec la harpe, j'avais vachement envie de l'écouter, mais en même temps, elle était là tout le temps. Du coup, j'avais l'impression de la masquer. Parce qu'en effet, ce serait beau d'avoir un silence et d'avoir juste 2 notes de harpe, et puis voilà. Quoi. Ouais. Un truc. Mais en fait, c'était jamais clair quand ça arrivait. Non. Ah, alors, un son électronique, quand tu parles, tu vois, quand tu as déclenché ton gros... Ouais, c'est clair, c'est... Et là-dedans, enfin, moi, j'arrive bien à m'intégrer là-dedans. Mais c'est pas simple, hein, de s'adresser des choses comme ça, très clair. Bah, c'est là qu'on est à une frontière, c'est-à-dire ou bien on part vers la compo et puis on écrit un truc et puis basta. Enfin basta, c'est façon de parler parce qu'il y en a pour des mois peut-être à le mettre au point. Mais ou bien on trouve la logique qui nous intéresse et du coup on la développe mais tout en restant dans une logique d'improvisation. C'est-à-dire c'est quoi les tensions exactement qu'on cherche. Peut-être qu'on n'y arrive pas, quand on n'y arrive pas c'est qu'on n'est pas exactement d'accord sur ce qui... sur le principe, sur les... Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, si des fois on peut essayer, puis finalement, bon bah, même si ça marche pas, après, on arrive quand même à obtenir autre chose avec les nouveaux mouvements qui sont arrivés. Ouais, ben là c'est ce qui a failli se passer, mais qui s'est pas vraiment passé, avec les boucles qui sont arrivées, enfin le truc répétitif, que c'est... Je crois que c'est Anna qui a lancé, mais je ne suis pas sûr. Mais ça n'a pas vraiment pris, et je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est à cause de la contrainte de se dire « Ah non, mais il faut qu'on refasse le truc de tout à l'heure, et du coup, ça ne marche pas. » Donc du coup, peut-être ce qu'on peut faire, on peut faire une pause, et on reprend en se disant, en essayant de ne pas le faire sous forme d'exercice, mais c'est quand même un exercice. C'est de se dire, on fait des improvisations, mais on ce que je disais tout à l'heure, on se bloque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, On ne sait pas ce qu'on va faire, comme d'habitude, on fait un truc, et on se dit qu'à un moment, il faut trouver un moment où tout le monde se bloque sur ce qu'il est en train de faire. Ça ne veut pas dire se bloquer. À un moment, on fait tous la même chose, mais il y a un moment où on reste sur ce qu'on est en train de faire. Jusqu'à la fin, si possible. Je pense que, je ne dis pas que le résultat va être fantastique, mais ça peut faire du bien, c'est-à-dire de se dire que c'est possible et de l'expérimenter. Se dire que... Et forcément, on se dit pas quand c'est. Comme ça. Donc on improvise, on joue normalement, et puis à un moment on bloque. Bah, c'est-à-dire que comme exercice, se dire qu'on va le faire. Donc on se donne, je sais pas, 7 minutes, et dans ces 7 minutes, je sais pas, par exemple, 3 minutes, pof. Ensemble ou pas, mais s'il y en a un qui le fait, après les autres vont le faire. Mais qu'il y a un moment où on reste bloqué sur quelque chose. Voilà, sur un mode de jeu, quel qu'il soit. Enfin, ça peut être rythmique, ça peut être un son continu, ça peut être un presque rien, ça peut être super, n'importe quoi. Et après, on l'orchestre, quoi. Enfin... Donc ça veut dire que tout le monde joue en même temps. Oui, bah, ça peut être un silence aussi, si tu as envie de ne pas le faire, ou de, ouais, d'être c'est absent. Dans lequel c'est un peu un gel, tu vois. Comme si tu as un bouton, gel, stop. Freeze. Eux, ils ont ça, nous, on n'a pas ça. Mais... Sinon, je me disais, on n'a pas le temps, mais sinon, peut-être essayer de refaire exactement ce qu'on a fait maintenant, mais avec les autres musiciens qui nous remplacent et qui ouais. reprennent notre rôle. C'était l'exercice d'après. Ah ouais. Voilà. Si on a le temps. On est jusqu'à quelle heure? Ben, je sais pas quelle heure elle est là. Il est 7h20. Déjà? Ben, ce qu'on peut faire, c'est on fait ce premier exercice juste pour ça. Ça lave la tête un peu de. Voilà. Et après, on fait en deux groupes. Il y a un groupe qui improvise. Alors, c'est plus rigolo quand on ne le sait pas. Parce que. Ben, c'est-à-dire que une fois qu'on le sait, ça change la façon de jouer. Alors, ça explique le truc, c'est. Il y a un groupe de 4, par exemple, qui improvise quelque chose. Et le groupe d'après rejoue ce qui a été joué, c'est-à-dire réinterprète. Ça ne veut pas forcément dire les mêmes sons, etc., mais la même logique, la même construction. C'est ça que je voulais dire. Ouais, bien. Mais voilà. Du coup, chacun choisit de rejouer le rôle de quelqu'un en particulier. On peut en discuter tout à l'heure. Ben, ça pose le problème tout de suite. Hein. Mais du coup, une fois qu'on le sait, vous pouvez faire exprès de jouer des trucs super compliqués pour que les autres n'y arrivent pas. Ou au contraire, faire un truc super simple pour que. Voilà. Donc, il faut essayer de. Ben, je sais pas. On verra. Mais... En tout cas, je pense que c'est un truc intéressant à faire. Ouais, on fait une pause. Mais oui, du coup, on a jusqu'à quelle heure? Bah, comme hier. Ouais, parce que c'est 7h, non? On s'arrête à 7h. 8h. 8h. Il faudra que je parte un petit peu. Je vais faire un peu de chips.